Y'en a qui disent, entre dans mon église. Donne-nous ta chemise, t'auras la terre promise. Y'en a qui crient, entre dans mon parti. On est tous très gentils, on t'apprendra la vie. On dit qu'il faut que j'achète une auto, que je monte sur les promos, que je joue au loto. Faire comme les riches qui sont sur les affiches. Non, moi c'est pas du tout ce que je veux. Non, je veux qu'on me laisse mon ciel bleu. Laissez-moi vivre comme je veux. Je veux regarder les failles en queue. Pas de faux lieux, pas de barbe bleue. Je veux penser à être heureux. Dans mon cœur un peu de ciel bleu. Y'en a qui pensent qu'il faut sauver la France. Ils tuent sur l'apparence, c'est beau l'intelligence. Salut le drapeau, t'es pas blanc, t'es pas beau. Et si t'es pas content, on te fera la peau. Y'en a qui te fliquent, ils jugent sur ta musique. Ils veulent pas de l'ethnique, ils veulent du léthargique. Laisse-toi diriger, pour toi on va penser. Non, moi c'est pas du tout ce que je veux. Non, je veux qu'on laisse mon ciel bleu. Laissez-moi vivre comme je veux. Je veux regarder les failles en queue. Pas de faux lieux, pas de barbe bleue. Je veux penser à être heureux. Dans mon cœur un peu de ciel bleu. Non, je veux pas qu'on pense à ma place. Ma vie, je veux l'inventer. Non, je veux pas qu'on pense à ma place. Ma vie, je veux l'imaginer. Non, je veux pas qu'on pense à ma place. Ma vie, je veux l'inventer. Non, je veux pas qu'on pense à ma place. Ma vie, je veux l'imaginer.